Ah, non, mais plus tard, il ferme sa gueule. Alors, regarde cette là, il me casse pas les couilles. Non, mais t'inquiète pas, mais attends, mais ça n'a rien à voir, Gérard. Ne t'énerve pas, c'est Max qui te parle là. Les photos. Ouais, mais moi, j'en ai rien à foutre. Le courrier, vous le carrez dans le cul. Non, mais c'est mon courrier. Ouais, bah, il a pourquoi qu'il balance son lit. Mais je crois que je l'ai pas entendu, cette enculé. Mais non, ça n'a rien à voir, c'est des auditeurs. Non, presque pas. C'est des auditeurs qui ont pris des photos de toi, ouais, de Sandy. Mais t'inquiète pas, on vient heureusement de réceptionner les photos. Elles sont là, donc elles ne seront pas données. Elles restent en privé. Ne t'inquiète pas, on va te les redonner. Ouais, non, mais tu sais où tu les mets? Dans un panier à salade, comme ça, vous allez. Non, mais je vais les encadrer, ça te fera un cadre de Noël. Ouais, c'est ça. Des souvenirs du boulot. Ouais, c'est ça. Attends, derrière, plus tard, tu vas fermer ta gueule maintenant. T'inquiète pas, GG, hein. Le Marco, il va fermer sa gueule quand on se lit. Non, mais c'est clair. Hein bah. Parce que l'AR14, Marco, il ferme sa gueule. Mais d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit, Marco? L'histoire des euros, là, t'as fait lundi. Ouais, je veux m'acheter une AR14. Alors, il va fermer sa gueule avec ça. Parce que sinon, ça va mal se terminer. Ok? Je suis d'accord, entièrement d'accord. Il est là, Marco. La vie privée, ma vie avec Sandy, ne regarde pas les auditeurs. On est d'accord. Et Marco, Fulgar, et Manu et Anka, maintenant vous allez arrêter de nous casser les couilles parce qu'on commence à avoir ras-le-bol. Oh. Fermez cette fois-ci. Non mais, hein, ça, mais vraiment. Parce que là, Anka, tu vas te calmer un peu avec ton Marco, tu vas lui caresser son dos. Mais moi je dis, tu vas plus me caresser le dos parce que sinon moi je vais te mettre une tête. Fermez tes petits. Oh, bravo. Allez, bravo. Hein, parce que le 14, vous allez voir ailleurs si j'y suis, parce que le 14, je ne suis pas là. Bah, arrêtez bêtises. Non, je ne suis pas là, je pars. Ah ouais, t'es pas là. Mais par contre, on est là quand t'as besoin de blé, par contre. Là, tu m'appelles, là, t'es là pour venir. Là, tu peux venir. Non, non, attends, c'est toi qui m'appelles là pour l'instant. Ouais, non, mais là, c'est pas moi qui t'ai appelé, c'est Manu. Mais quand t'as besoin de blé, là, tu m'appelles et là, tu peux venir le lundi, le mardi, ça te dérange pas, là, n'importe quelle heure, là, tu peux arriver à minuit. Non, mais attends, t'as pas besoin de balancer ça à l'antenne, d'accord? Ah bon, et moi, t'as besoin. Moi, je règle mes comptes en direct. Ah ouais, bah moi aussi. Quand tu as du boulot de salaud, quand tu te barres à minuit, hein, tu dis rien, toi, tu dis amen, tu laisses tout le monde, hein, tu nous laisses dans la merde, mais t'en as rien à foutre de ce qui se passe après. Ouais, ça n'a pas faute, c'est pas de la merde. Quand tu t'es barré, là, lors du débat, bah, t'as pas de chômage. J'étais là, mon pote, parce qu'on t'a fait croire que j'étais là. Non, mais attends, t'étais là, mais qu'est-ce que t'as dit lundi? T'as rien dit du tout. Bah, toi non plus, t'as dit qu'elle allait faire ta grande gueule, que tu voulais passer un coup de gueule, t'as rien fait. Mais qu'est-ce que tu leur as dit? Tu leur as rien dit, tu les as laissé taire. Mais c'est alors, ton. Tu continues à saccager le boulot. Mais Gérard, le jeudi, c'était débat, t'as dit que c'est toi le chef, t'as dit que c'est toi qui commande, donc c'est à toi. Mais dans ce cas-là, tu t'en vas pas, tu restes au moins pour m'épauler. Mais je t'épaule. Mais j'interviens pas dans ton coup de gueule. Quand il se passe quelque chose, c'est toujours là. Là, mon gueule pote, t'étais pas là parce que fallait que t'ailles à Lille. Mais non, j'étais là. Je t'ai fait croire que j'étais à Lille, j'étais dans les bureaux, je t'ai fait croire que j'appelais du portable parce que je voulais pas intervenir, parce que c'est tes débats. Eh ouais. C'est toi le chef. Ouais, non, mais attends, tu vas me faire avaler ça? Mais non, pas à moi. Mais c'est toi le chef, je t'en déconne. Quand t'es venu lundi dans les studios pour passer ton coup de gueule que t'avais dit que tu passerais jeudi, ben moi je vois pas pourquoi j'interviendrais, c'est quand même ton coup de gueule. Après, si j'interviens dedans, tu vas dire que je m'occupe de mes affaires et que alors, ça me regarde. Mais dans ce cas-là, alors tu peux m'expliquer pourquoi le barouf avec la musique et puis la jambe là? La jambe de bois, elle est encore toujours dans le bureau? Non, elle y est plus. Non, t'en es sûr? Elle a été mise à la poubelle mardi. T'en es sûr? Parfaitement. T'en es sûr qu'elle a été mise à la poubelle? Parfaitement. T'en es sûr? Et t'en es sûr que le 14, elle sera pas encore dans le bureau? Eh ben viens dans le... Alors, prends ta voiture, viens ici, viens vérifier. Bah attends, moi pour un temps, demain j'ai des trucs à faire. Mais qu'est-ce que t'as à faire? Une histoire d'hypothèque. Bah demain, j'ai pas fini encore. Et par contre... Il y a un truc que je voudrais qu'on arrête. Il y a pas de problème, dis-moi, il y a pas de problème, vas-y. Non, mais moi je le dis à l'antenne. Vas-y. C'est que les branleurs qui viennent qui écoutent la radio, ils arrêtent un peu de se plaindre comme quoi qu'ils nous reconnaissent à Paradis. D'accord? Parce que les petits branleurs comme ça, moi j'en suis tous les matins. Bravo, bah là c'est bien parlé. Bah là je préfère quand tu parles comme ça calmement. Au moins là ça le mérite d'être clair. Ok, on est d'accord. Comme par hasard, aujourd'hui, Sandy elle a servi un couscous et on voulait faire la bise à Sandy. Hein? On lui a dit, oh ben non, je peux pas parce que t'as trop de boulot. Alors il faudrait peut-être qu'ils arrêtent un petit peu leur connerie. Hein? Alors les branleurs d'université. Gérard, on n'a pas compris, ça a coupé. Tu disais quoi que t'as... Ça dit quoi? Ouais, il y a un auditeur qui a servi couscous aujourd'hui. C'était couscous aujourd'hui. Ouais, tu m'écoutes? Ouais. Au lieu de couper là. Ah non, je t'écoute. Ouais. Le petit branleur qui voulait faire un bisou à Sandy, ben il se carre dans le cul son bisou. Ah bah ouais. Il avait autre chose à foutre. Évidemment, bah oui. Ouais, ça va être de la merguez. Toi, tu fermes ta gueule, tu le gardes, d'accord? Bon. Parce que ton histoire de Jacques Chirac d'hier, tu te mets dans le cul, je t'ai pas cru. Voilà. Et en parlant de. C'est un message mini. Hein, parce qu'on a le Minitel depuis là. Il demande justement par rapport au couscous, comment va ton pois chiche? Tu lui demandes comment qu'elle va sa merguez? Non, c'est au pois chiche au cou, il dit. Ouais, ben, tu lui demandes comment qu'elle va sa merguez, si la met à 150 ou pas. Bon, bien, alors ça, je veux dire, c'est mouché, ça. Martine, excuse-nous, on est un peu perturbés parce que le courrier fait que forcément ça prend du temps, mais t'inquiète pas, hein, on te néglige pas et t'auras l'occasion d'intervenir. Hein. Non, mais ça, c'est sacré Gérard de Suresnes. Bah oui, voilà, parce que je t'explique, Gérard. Gérard? Je t'écoute. Martine revient des États-Unis et elle me disait en antenne, parce qu'elle voulait pas le dire et le hasard fait que t'es là, hein, Martine, c'est qu'aux États-Unis t'es hyper connue. Hein. Tout à fait, ouais. Il paraît qu'il y a des cassettes d'auditeurs qui sont français, qui sont partis faire leurs études ou travailler aux États-Unis, qui mettent des cassettes et apparemment t'es connue là-bas aussi aux États-Unis. Oui, mais je dirais pas dans quoi. Hein. Non, mais ça va te faire plaisir, non, Gérard. Non, mais attends. Hey. Faudrait peut-être qu'on arrête un petit peu là, et faudrait peut-être que les gens se mettent un peu dans la peau des auditeurs, que les auditeurs arrêtent de faire croire que c'est quelqu'un que Max passe habituellement sur l'antenne, que tout de suite c'est la même personne, parce qu'ils ne me connaissent pas aux États-Unis. Sauf quand on était voir un film que Fun Radio nous avait fait. Mais non, ce que je suis en train de te dire, c'est que là, par exemple, des auditeurs enregistrent des débats de Gérard quand ils sont en France, et puis un jour, ils les archivent, ils gardent les cassettes comme Bibi, elle garde les cassettes de mes émissions qui ont 2 ou 3 ans, puis un jour, le mec s'en va aux États-Unis pour travailler pendant 1 an ou 2, par exemple dans un restaurant, et il embarque avec lui des affaires, et puis il embarque des cassettes de Gérard, comme ça, ça lui fait penser à la France et à Fun Radio, et ce qui fait qu'il fait écouter après des amis à lui qu'il apprend aux États-Unis à connaître, des Américains, et leur fait écouter les radios françaises. Donc il dit, tiens, regarde, c'est un mec qui s'appelle Gérard, il fait un des débats, ça cartonne, et puis il fait écouter, tac, et puis les mecs, ils font des cassettes, ils font des copies, puis voilà. Puis à la fin. Sur Internet, tu peux avoir Fun Radio, par exemple. Et puis tu sais très bien, Gérard, que sur Internet, il y a des auditeurs qui mettent aussi tes débats sur Internet, et qu'Internet, c'est dans le monde entier. Donc il suffit d'aller aux États-Unis, de te mettre sur le site Internet Fun Radio ou Gérard, machin, et puis voilà, et puis on entend des débats de Gérard. C'est pareil, on peut écouter Internet aussi en direct. Gérard, tu le sais tout ça? Tu le sais aussi bien que moi. Ouais, à la rigueur. Manière, certains trucs, j'y crois pas trop quand même. Bon, enfin bref. Gérard, en tout cas, ne t'inquiète pas, les photos sont en bonne main, elles sont dans mes mains, et il n'y a aucun souci, elles ne seront pas sur le site internet. Ouais, ben, c'est ce que tu dis. Il n'y a pas de problème, vous c'est les. Ouais, mais c'est ce que tu dis, parce que tu sais pas ce qu'ils font derrière ton dos, les autres zigotos. Ah, ça, les auditeurs, je sais pas ce qu'ils font, en tout cas, Non, non, non, mais tes zigotos, là. Ah, non, mes zigotos, non, ils sont avec moi, il n'y a pas de problème, ils sont avec toi, ils te soutiennent, il n'y a aucun problème. Et en fait, je repense à une chose. Aïe. Je pense toujours à ma gueule, comme tu as dit tout à l'heure. Hein? Tu l'as bien dit? Non, j'ai dit. Non, mais tu dis, je pense toujours qu'à moi quand j'ai besoin de boulet, d'accord, mais... Non, parce que tu dis que tu veux pas venir jeudi, tout ça, que tu arrêtes, mais je dis par contre, tu veux pas venir, etc. Mais je dis par contre, tu viens facilement quand t'as besoin de quelque chose, à ce moment-là, là, tu peux venir à n'importe quel jour, t'es pas obligé d'attendre le jeudi de te débat, là, t'es prêt à venir le mardi, le lundi, là, tu t'en fous. Mmh. Ouais. Non, mais pour l'instant, moi, je voulais savoir si on s'ennuie ou l'histoire de ce que t'avais lancé et puis qu'on avait lancé lundi. C'était quoi, ça, déjà, lundi? L'antenne de Sibi et la Sibi. Eh ben, justement, il paraît que... Ouais, ouais. Alors, justement, tu bouges pas, il y a justement du courrier très positif pour ça. Apparemment, il y a 2-3 personnes qui sont prêtes à envoyer une Sibi. On va t'en parler, d'accord, Gérard? Tu bouges pas? Ok.